me on R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement plus lourd de Nexo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 297 sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles le mercredi. Vous nous suivez également sur www.rigfm.fr et puis vous nous suivez sur Facebook, bien sûr, dans le groupe La Saga des Fab Four, sur macaclub.com, dans le groupe La Saga des Fab Four, et également sur Twitter avec le hashtag Saga Fab Four. Saga, F-A-B-F-O-U-R. Voilà. Et vous pouvez intervenir à tout moment. Alors, quel est l'album de la semaine de cette émission? Ah oui, on est également sur Periscope aussi. Hein. Je vous donnerai l'adresse dans quelques instants. Non, je ne sais plus, mais on va vous le communiquer parce que les internautes ont l'habitude, donc je vous le dirai très très vite. L'album de la semaine, donc, c'est l'album Back to the Egg, parce que la semaine dernière, à cause de certains problèmes de circulation, on a eu une émission raccourcie et ça m'a beaucoup déçu du coup. Et ben on recommence avec d'autres titres forcément. On va passer les titres qu'on n'a pas eu le temps de passer et d'autres que j'ai rajoutés pour cette semaine-là. Il y aura par exemple We're Open Tonight. Ah oui, parce que Speed It Down qu'on va passer juste après, c'est trop court, donc on a mis les deux ensemble. Il y aura Again and Again and Again, que j'ai passé très rarement dans la saga, puisque c'est Danny Lane qui chante, mais pourtant c'est une bonne chanson, vous allez voir. Il y aura également The Broadcast, que je passe également très rarement, parce que Paul ne chante pas, mais ça vaut le coup de l'entendre au moins une fois de temps à autre. Il y aura To You, il y aura l'excellent que j'adore, So Glad to See You Here, et également Baby's Request. Mais il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, Intuition sur l'album Mind Games en 1973. Pour George Harrison, Run of the Mill sur All Things Must Pass. Et pour Ringo Starr, il nous chantera Picture Show Live, qu'on n'a pas écouté depuis un bon petit moment. C'est sur l'album Old Wave. C'est une excellente chanson de Ringo Starr. Pour les Beatles, ce sera Revolution. Pas celui de l'album blanc, qui est un peu lent. Celui du 45 tours, tout simplement. Voilà ce qu'on peut dire. Je vois qu'il y a déjà une personne qui s'est branchée sur Periscope. Donc, salut à cette personne-là. Et on commence tout de suite avec l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Back to the Egg, sorti en 1979 par Paul McCartney. Et le premier titre, We're Open Tonight, Spin It On. Bonne soirée sur vos 90.7 et sur www.rigfm.fr.

et Georges. Donc, si vous voulez aller sur Facebook, la retrouver sur Google, la retrouver sur Twitter et sur bien d'autres plateformes pour savoir également les tournées de Paul. Paul McCartney qui sera le 30 mai à Paris et j'y serai et j'espère vous y retrouver. Les tournées de Ringo aussi, il tourne encore. Et puis les amis également des Beatles et également les animateurs qui font des tournées, non pas des tournées, des émissions sur les Beatles. Et bien, vous saurez tout sur Beatles Magazine UK.com. Merci Lovely Rita. Voici les Beatles et Revolution dans une version spéciale que j'ai choisie pour vous. About destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Don't you know it's gonna be alright? Don't you know it's gonna be alright? Say you got a real solution. Well, all I can tell you, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Don't you know it's gonna be alright? Don't you know it's gonna be money for people with minds that hate. Well, all I can tell you is whether you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Don't you know it's gonna be about destruction. Don't you know that you can count me out? But don't you know it's gonna be Don't you know it's gonna be alright, les Beatles sur RIG. J'espère que tout se passe bien sur Periscope. Vous me posez des questions. Ce n'est pas facile pour moi d'essayer d'animer la radio et puis de voir ce que vous posez comme question à temps. Ça apparaît un tout petit peu sur le téléphone et après ça s'efface. Mais si je le vois, j'essaie de répondre même pendant les disques. Après les Beatles, revoici l'album de la semaine. Et cette chanson, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne l'ai quasiment jamais passée parce que ce n'est pas Paul McCartney qui chante. Il est dans les chœurs quand même. C'est lui qui a créé la chanson. Voici Again and Again and Again, tiré de l'album Back to the Egg de Paul McCartney en 1979. Excellent album, c'est l'un de mes préférés. Là, voici la chanson. Cet album Back to the Egg, enregistré en juin 1979, à la fin des 70s, la scène musicale est fortement chahutée par deux mouvements très distincts, le punk d'un côté et la disco de l'autre. Paul McCartney, qui avec les Beatles puis les Wings règne en maître sur le box-office depuis deux décennies, entrevoit alors ses déferlantes comme une potentielle menace de son leadership, et c'est bien peu dire. Le temps où il donnait le la à toute la planète est indéniablement révolu, et cette nouvelle composante, loin de l'accabler, le pousse à réagir et à éviter de se laisser distancer. Côté disco, il a tout récemment tenté à sa façon une incursion couronnée de succès avec la parenthèse que constitue Goodnight Tonight. Cette volonté de s'inscrire en permanence dans son époque se manifeste également avec l'apparition de Back to the Egg, ultime album des Wings dans une nouvelle formation et en totale rupture avec la formule qui assurait son succès. Comme il le fera chaque fois qu'il se sent en danger, Paul retourne vers des fondamentaux du rock dans un registre franc, direct et dégraissé, un objectif que confirme confirme clairement le titre Back to the Egg, retour à l'œuf. On y trouve donc des rocks très durs et charpentés auxquels il ne nous avait plus guère habitués. Getting Closer, Spin It Down qu'on a entendu, Old Siam Sir, côtoyant On ne se refait pas, quelques douceurs de facture acoustique, After the Ball, Million Mile ou Baby's Request, ce sont des titres de très grands moments et rappellent si nécessaire que Paul McCartney n'est pas seulement un compositeur de génie, mais également un immense interprète. La suite, ce sera tout à l'heure dans une autre incursion dans l'album de la semaine. Voici, vous savez, ma chanson préférée des Beatles. Et pourtant, ça n'est pas du McCartney. Voici While My Guitar Gently Weeps sur RG. Gently weeps. RIG 90.7, la radio des Beatles. termine comme ça. Et je vous assure qu'à l'époque du 33 tours, lorsque ça se terminait aussi brusquement et que le bras du tourne-disque se levait et revenait en arrière, eh bien on était surpris. Après, on s'habitue. Évidemment, là, j'avais le micro ouvert et j'attendais seulement que ça finisse. Je vous propose à suivre deux chansons signées John Lennon, comme la précédente également. Et il avait dit en 1980 que la deuxième est la petite sœur de la première. Vous allez comprendre pourquoi. La première chanson date de Revolver, 1966, et il dit « Oh ben moi, je fais pas grand-chose, je ne fais que dormir. » Voilà, ce qui était totalement faux, puisque les Beatles sortaient deux albums par an, la plupart du temps, faisaient des tournées, faisaient des films, et pour arriver à faire que dormir, fallait vraiment avoir du courage. Bon, et quelques années plus tard, en 1980, la chanson dit « Bon, moi, je fais pas grand-chose, je regarde les roues qui tournent, et c'est tout ce que je fais. » Et donc, c'est l'une et la fille de l'autre, la sœur de l'autre, comme vous voulez. Voici les deux chansons enchaînées, John Lennon par deux fois, avec les Beatles, et sans. John Lennon, les Beatles, 1966. John Lennon, en 1980. People say I'm crazy. From ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Kinds of advice. shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. Je voulais laisser jusqu'au bout. Habituellement, je coupe parce que ça, c'est pas extraordinaire. Et mais là, je le laisse. Et on va revenir, si vous le voulez bien, et je pense que vous le voulez bien, à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Back to the Egg, enregistré en 1979 et sorti la même année, forcément. L'un des moments forts de ce Back to the Egg est indéniablement la réunion spectaculaire de figures établies du rock british venues croiser le fer sur les titres Rockestra Theme, qui est le générique de l'émission, vous le savez, et So Glad to See You Here. Qu'est-ce que c'est dommage qu'ils ne reprennent pas celui-là en concert. Ce serait vraiment génial. Ils sont plus d'une vingtaine de la vieille garde, parmi lesquels David Jean Moore, Pete Townshend, John Bonham, John Paul Jones, Gary Brooker, Hank Marvin, etc., a créé un étonnant et tonique mur du son qui sera récompensé d'un Grammy Award du meilleur instrumental de l'année 1979. Si l'accueil critique est plutôt positif, la sauce ne prend pas auprès d'un public qui va injustement bouder cette dernière livraison du groupe. L'album témoigne pourtant de bout en bout d'un véritable sursaut créatif. Et la désillusion sera grande pour McCartney, persuadé d'avoir fourni là un travail original, novateur et achevé. Et je suis bien d'accord, c'est un excellent album qui mériterait qu'on en reparle et qu'on le réécoute. Et c'est ce qu'on fait dans la saga des Fab Four avec ce titre qui est... une sorte de... il a enregistré la BBC, je crois, quelqu'un qui dit un poème ou quelque chose comme ça, et il a simplement mis de la musique dessus. Et c'est très très joli, c'est une sorte de parenthèse entre deux morceaux. Écoutez, ça s'appelle The Broadcast sur RIG. We've got a chance and we'll take it. We may win or we may lose. We may even have to cut and run for it. Well, it won't be the first time I've run, and it won't be the first time I've been caught. It's the game that matters. Brother, I am proud to know you. This is one of the greatest moments I have ever experienced. I think I sense the situation when I say that we all esteem it an honor to breathe the rather inferior atmosphere of this station, here along with our little friend. I guess we shall all go home and treasure the memory of his face as the whitest thing in our museum of recollections. And

George Harrison en 1973 sur l'album Living in a Material World. Ce que j'aime sur cette chanson-là, c'est qu'il a plein d'humour. À un moment donné, il dit j'ai rencontré John et Paul dans le monde matériel et on est devenu riche en faisant des tournées. We got Richie on a tour. Mais Richie, ça veut dire être devenu plus riche. Mais également, Richie, c'est l'abréviation de Richard. Richard, alias Ringo Starr, le batteur. Donc, on a également eu Richard en faisant des tournées. Ce qui est vrai. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson-là, qui est plutôt sympa, sur l'album Living in a Material World. Et voici Ringo Starr et Paul McCartney en 2010. Cette belle chanson, une chanson vraiment d'amitié entre deux potes, Walk With You, Ringo Starr et Paul. C'est sur RIG, forcément. RIG, c'est 90.7 pour la région bordelaise. Et pour le reste du monde, c'est www.rigfm.fr. Standing every ocean show, just as fundamental as the stars above. 'Tis benefiting every hand in glove. And you tell me it's a cold day in hell when you surrender for love and the chance to remember what we have to hold is more silver and gold. When I walk with you, when I talk with you, everything will be fine. When I walk with you, when I talk with you, everything will be fine. Will be fine. Coincidental, we have met before. Let this be the time and place that we explore. With no hesitation, knocking at that door. Open up your heart to love forevermore. And I tell you it's a cold day in hell, but we remember song that starts out, love me tender, and that king of hearts. When I walk with you, when I talk with you, everything will be fine. Time and what time remains, while I have just tried to explain, flew by you. What can I do with a heart of steel? I would impart what I've come to feel. Love is the answer and it is real. I'll always be there beside you.

may want you too. This boy wants you back again. Oh, and this boy would be happy just to love you. But oh my, that boy won't be happy till he's seen. Wouldn't mind the pain. Would it feel the same if this boy gets you back again? This boy. Ben, ça s'amusait dans le studio hein, de temps en temps. Ben, c'est pas évident de caler That Boy, This Boy au bon moment. Là, c'est la version qui, en principe, n'avait pas été retenue, mais lorsqu'on était avec les Beatles, il y avait un mot d'ordre, on ne jette rien, on garde tout. La preuve, c'est sorti en 1995 sur le 45 tours, enfin, le 45 tours, c'est vite dit, sur le CD single Free as a Bird, si vous voulez avoir cette version de The Laughing Version de That Boy. Nous revenons à l'album de la semaine, si vous le voulez bien. De toute façon, je sais que vous le voulez bien, avec cette chanson à peine rock and roll. Ça s'appelle To You. Attention, montez le son. C'est Paul McCartney en furie rock and roll et c'est sur RIG 90.7 www.rigfm.fr. Parlez-en autour de vous. What if it happened in a man? J'adore cet album, je le dirai, je le redirai, je signerai s'il y a besoin. Cet album est excellent, achetez-le, Back to the Egg. Voici la pochette, tiens, je le montre à Periscope. Back to the Egg avec un éclair, enfin de la lumière, parce que forcément les projecteurs se reflètent dessus. Achetez-le, c'est de l'album de la semaine, c'est vraiment excellent. Il est 21h14 sur RIG, nous sommes à peu près à l'heure, pas vraiment en retard pour l'instant, pour vous proposer la cover. La cover, c'est une chanson qui a été chantée par John, Paul, Ringo ou George, ou les Beatles, donc en solo ou pas, même si les Beatles eux-mêmes étaient en train de faire une reprise de quelqu'un comme Chuck Berry par exemple ou quoi que ce soit. Ça peut être vous qui me proposez une chanson, si vous avez une guitare, si vous avez envie de chanter, si vous faites une bonne reprise d'une chanson des Beatles, eh bien proposez-la moi et je la passerai probablement peut-être un jour si j'y pense dans la saga des Fab Four. Celui qui s'y colle, il est extrait de l'album The Art of McCartney et c'est un chanteur talentueux. Il s'appelle Harry Connick Jr. Voici sa version de My Love sur RIG. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood. It's in the hands of my love. And my love does it good. Whoa, whoa, whoa, whoa. My love does it good. And when the cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood. It's everywhere with my love. And my love does it good. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Well, my love does it. Honneur. Harry Connick Jr., so glad to see you. Non, ça n'a pas de rapport. J'étais en train d'écrire sur Maca Club que cette chanson-là, bah, il faudrait marquer sur une pancarte pour le 30 mai. Please sing So Glad to See You Here. Parce que si jamais Paul McCartney voit So Glad to See You Here, peut-être qu'il va le prendre au premier degré du genre on est content que tu sois là. Mais lui suggérer de chanter cette chanson, ce serait vraiment quelque chose qu'il faut qu'on fasse, les gars. Et les filles, hein, il faut absolument qu'il chante ça, il peut le faire. Et ce sera probablement moins bien qu'il l'aurait fait en 79, qu'il l'avait fait en 79, mais ça vaut quand même le coup. Allez, les Beatles maintenant, si vous le voulez bien, un Beatles et un Ringo Starr à la suite. When I'm 64 d'abord, tiré de l'album Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, et puis le dernier album en date de Ringo Starr, l'album s'appelle Postcards from Paradise, et le titre ce sera Right Side of the Road. C'est sur RIG et c'est dans la saga des Fab Four. I get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me? Qu'il y a quelques soucis avec Internet, qu'on reçoit mal. Il y aura le podcast, heureusement pour vous. Désolé, les enfants, désolé. It's not what you do. The only one you're fooling isn't me, it's you. Didn't I try to tell you? You're carrying a much too heavy load. Right side of the wrong side of the road. Heading for disaster, something's gotta change. You're only moving faster, almost out of range. Head first in a bad direction, till you got no place left to go. You're on the right side of the wrong side of the road. Somebody already told me

John Lennon en 1970 sur l'album Plastic Ono Band. On revient à l'album de la semaine, l'album Back to the Egg, qui sera donc l'ultime album des Wings. Loin de laisser indifférent, il aura son lot de détracteurs, mais aussi, et j'en fais partie, ses bataillons d'inconditionnels, y voyant là un chant de cygne audacieux et une sortie de scène pleine de panache. Entre ces avis divergents, il faut surtout y voir un album au profil radical, avec des partis pris audacieux et pas mal de prises de risques. Mais il est dépourvu des habituels standards qui avaient propulsé les précédents albums en haut des charts. Back to the Egg se classera 4e en Grande-Bretagne, 8e aux États-Unis, sans être un véritable échec. C'est un recul qui pèsera plus tard dans la décision de McCartney de siffler la fin de la partie sans tambour ni trompette. La réédition du CD comporte 3 bonus tracks, parmi lesquels Daytime, Nighttime, Suffering, une très brillante composition qui figurait uniquement en face B du single Goodnight Tonight. Elle compte parmi les préférés de son auteur et ce n'est pas moi qui contredirais cette clairvoyante auto-congratulation. Enfin, Wonderful Christmas Time assurera à vos soirées de Noël un parfait air de fête au moment de déballer vos cadeaux et parfois, on n'en demande pas plus. Achetez l'album Back to the Egg, je le dirai plusieurs fois et surtout parce que sur cet album-là, il y a la chanson que je voudrais voir en début de concert et c'est maintenant qu'on la passe. So glad to see you here. Imaginez le... Les lumières viennent sur Paul McCartney. Première chanson, c'est ça. We'll be right back. girl, you know the reason why. You know the reason why. Nous sommes en 1968. Year Blues était la chanson la plus désespérée que John ait écrite. C'était un appel à l'aide angoissé adressé à, eh oui, Yoko Ono. Il savait que sa vie arrivait à un tournant décisif. Il était peu probable que les Beatles remontent un jour sur scène. Son manager était mort et il envisageait de rompre son mariage. Il se sentait des obligations envers Cynthia, mais savait qu'il avait trouvé en Yoko l'homme, pas l'homme, l'âme sœur. Tant au plan artistique, j'en doute, qu'intellectuel. Ah, je sais pas. Elle était, admit-il plus tard, la femme qu'il avait toujours rêvé de rencontrer. Ça, c'est son droit. La femme à laquelle il pensait en composant Girl. Durant leur séjour à Rishikesh, John et Cynthia furent souvent séparés parce que leur habitude de méditation était différente. Et ce ne fut que durant le vol de retour que John lui parla pour la première fois des infidélités qu'il avait commises durant les 6 années de mariage. Cynthia fut choquée. Je n'aurais jamais imaginé qu'il m'avait été infidèle durant notre mariage. Il n'en avait jamais rien dit. Je savais bien évidemment que les tournées lui faisaient faire le tour du monde et qu'il lui était offert tout ce dont un homme pouvait rêver. Une situation à laquelle personne ne pouvait résister. Mais même en sachant cela, je ne voulais ni ne pouvais accepter l'inévitable. Et je n'avais jamais eu de preuves ni même d'indices.

Nous allons passer de 1975 à 1969 avec le dernier single co-signé Lennon-McCartney. Il paraît qu'au dernier moment, Lennon a eu un petit... un peu, pas vraiment peur, mais il n'a pas vraiment eu envie de signer Lennon tout court. On était encore en 1969. Les Beatles, il avait envie de partir, mais c'était quand même ses copains. Alors il signe Cold Turkey de Lennon-McCartney. Ce sera la dernière chanson signée comme ça. Voici le titre sur RG. Can't see no sky. My feet are so heavy.

passé 22h et apparemment Eric ne vient pas, mais pour la peine, eh bien, nous allons terminer la programmation. Il reste 3. Got My Mind Set On You maintenant sur RG, puis 2 autres. Harrison en 1987 et je vous propose de réentendre un George Harrison que j'adore, celui de 1969 et de cette chanson Here Comes the Sun sur RIG. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Et puisqu'il est 22h09, la dernière chanson de la saga des Fab Four, c'est celle-ci, Ringo Starr, Rock Island Line, en 2012. Vous voudriez que ça dure encore plus longtemps, vous voudriez aller jusqu'au bout de la nuit. Et bien c'est sur ce morceau qui appartient aussi à l'album de la semaine, à Back to the Egg, qu'on va se quitter. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette 297e édition de la saga des Fab Four. Le podcast, je vais essayer de m'en occuper dès mon retour à la maison. Il sera posté d'ici demain matin ou demain soir. Hein ? Donc patience, vous le retrouvez sur Facebook dans la page des podcasts de la saga des Fab Four. Je vous souhaite une très bonne nuit, on va se quitter dans pas longtemps du tout, et merci d'être venu sur Periscope, merci d'être venu sur Twitter, sur macaclub.com, et surtout, parce que c'est là où vous êtes le plus nombreux, sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Je vous fais des grosses bises les filles, et puis les poignées de main aux garçons, ça suffira, et à très très bientôt. C'était Thierry Gallet en direct pour la saga des Fab Four depuis Blanquefort, depuis RIG, la radio des Beatles, sur 90.7 pour la région de Bordeaux et pour le reste de l'univers sur www.rigfm.fr. On se retrouve la semaine prochaine, hein, c'est pas sûr, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être qu'on se retrouvera après le concert de Paul McCartney. Autant vous dire que j'aurai les nerfs et je serai certainement aux anges. À très très bientôt, en tout cas, regardez si je suis là la semaine prochaine, je m'en souviens plus, et on se retrouve très très vite. Oui, mort de rire, bah oui, et je peux pas consulter mon téléphone et être sur Periscope en même temps. À très bientôt, salut. Dans la saga des Fab Four, quand il n'y en a plus, il y en a encore au moins un. Old Siam, Sir. À fond les gamelles. Allez-y à fond. C'est les Beatles, John, Paul, Ringo, George. Et là, c'est Paul McCartney sur RUG. Les anciens savent, c'était un cadeau bonus. Je ne prononce pas le nom de la marque. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Salut.